Wesh l'animal, dis-moi comment tu vois l'homme, dis-moi. Tu me vois en prison ou bien tu me vois mort? Je niquerai ta fille après lui avoir vendu ma drogue. Sur l'écran de ma vie, les keufs m'ont marqué à l'approche. Bande de PD, je suis un tigre, pas un mouton. Je vivrai ma vie, connard, je vivrai pas celle d'un bouffon. Gros, tu me salues, y'a pas de trêve, donc quasi check. Je les connais, les mythos, donc me sors pas de baliverne. Pas moins de 3G, l'étranger, je te fais pas de 10-1. Me casse pas les cacahuètes ou je te prendrai pour un de ces singes. C'est simple comme bonjour, compliqué comme dire au revoir. Les hommes se saoulent la gueule pour survivre dans le froid. Père corse, mère algérienne, fier de mes origines. Tous me disent gros t'as maigri, je réponds, je me suis mis au régime. Faut réfléchir, ma haine monte en l'air comme un high kick. Le temps passe devant la montre, man. J'ai la porte des tactiques, mon veau sert en mode calculette. Austère la tête, ma funèbre, funèbre. Elle me verra mourir dans sa lunette. Je suis entouré de caf pour qu'il te nique l'avenir avec la langue. Et je dois peser beaucoup vu le nombre de balances. Je pars en couille dans ma folie, trouve de la raison. Me décide pas d'argent, moi pas mettre un pied à la maison. Je suis différent, ouais. Différent ma gueule, j'ai peur d'accepter ce cadeau du chétan me délivrant un cœur. J'ai dit au prof de maths, ton cours, je suis pas le genre à le calculer. Si la fille d'une pute, il me faut bien plus qu'une chaîne pour éjaculer. Regarde ma face, regarde les mecs d'en bas. T'as trop de bruit, t'auras du calme si tu fais pas. Tout le monde dit zou, mais au zoo on dit que c'était mieux à l'ancienne. Avant qu'ils détruisent la grande tour, la rue Cézanne, Gauguin et le 45. J'oublierai pas, je dirai tes aides sur n'importe quel label. Dire qu'il a fallu que je parte de chez moi pour mettre un dealer de la zep, y'a pas de caprice. Gamine, je vois le cannabis parce que j'ai eu trop mal au ventre. Un long moment de voir vie, mais à l'iche, normal gros. Même la misère s'apprend, je peux même te dire ça te change. Autant niveau mental qu'en apparence, je suis pas le genre à dire. J'ai vu si j'ai vu ça, on a besoin de se nourrir plus dans le délire. J'ai fait si j'ai fait ça, et gros, je t'encule si tu kiffes pas ce que je dis. Écoute ta mère la pute, je la baisserai quand elle te dira au lit. Ma vengeance sera terrible, elle est gros. Je me suis mangé des murs en voulant les sauter, Marte et Mexico. La vie de rêve, je l'aurais. Ici ou là-haut, et compte sur personne, j'ai que la visite des cafards, des raoués. Argent facile, mon cul tous les soirs, j'ai les pieds gelés. Servir les Yankees à l'heure où toi t'es en train de déjeuner. J'lève une barrette en l'air pour tous les dealers, les charbonneurs. J'ouvre la porte du hall aux darons qui me traiteront de sale voleur. Eh, la galère, voilà tu m'as cogné. Un pédo, une canette, puis une perquisition à la zombie. Ce son n'est pas triste, j't'explique, ça va au summum de mon bonheur. Y'a pas plus haineux que moi, j'crèverai le doigt en l'air sur le trône. C'est un son qui ferait bleu, eh. Je m'en bats les couilles, j'ai un tas de haine. J'suis seul quand j'deal en bas des tours. Fuck les poucaves, fuck les jaloux, les PD. Putain, pousse-toi quand les keufs veulent me péter. Car si tu finis en carte, va avec moi, PD. N'ouvre pas ta bouche, j'suis en mode sursis, j'm'arrêterai pas. Stopper pas ma route à des mots. Rap pour ceux qui galèrent dans le froid. Quoi, t'es un bandit? En silence, j't'encule ta mère dans le bois. J'préfère me faire péter mon nez que faire la tapette. Si t'es un gorille que tu m'as goumé, demain j'te mets un coup de lame dans l'artère. Tu cherches la merde, j'la fais sortir par ton trou de balle. Si pas veut me dire d'avouer, nique sa mère, j'suis pas coupable. J'les baisse tellement que les keufs ont pris les empreintes de ma bite. J'ai fait serment pour les miens, je sacrifierai ma fille. Eh, j'la galère. Ouais, j'te connais, j'me souviens de toi, des cafards, mais pas de la monnaie. Eh, j'la galère. Ouais, je te connais, je me souviens de toi, des cafards, mais pas de la monnaie. Eh, la galère. Ouais, je te connais, à cause de toi, puis grave en bas, tu le sais, tu connais.